En ce temps des fêtes, le moment est vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de Remorque 2000, M. Daniel Deschênes, et tout son personnel désirent remercier sa distinguée clientèle et profitent de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Pour tout besoin en remorque, c'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au Saguenay-Saint-Jean dans ce domaine. Remorque 2000 au 643 rue Dequin à Dolbeau-Mississigny, au numéro de téléphone 88-276-93-83. Chez Dolbeau Auto, on célèbre le temps des fêtes en grand avec le Silverado 1500 à 0% sur 72 mois et un rabais de 7 000 $ en valeur totale. Le Sierra 2019 à 0% sur 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel de chez Dolbeau Auto souhaitent de joyeuses fêtes et une bonne année à toute la population et vous invitent à la prudence pendant cette période. Dolbeau Auto, 1770 boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini. 418-276-0580. En cette période du temps des fêtes, le moment est venu de se rappeler des gens qui font notre succès. Les entreprises Rodrigue Piquette aimeraient remercier sa distinguée clientèle qui les a encouragés pendant la dernière année. Paix, bonheur et surtout santé, c'est ce que vous souhaite le personnel et la direction des entreprises Rodrigue Piquette du 410 8e avenue Dolbeau-Mistassini, 418-276-2275. À l'occasion du temps des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux et celles qui font notre succès et tout le personnel et la direction de LCR Vêtements Chaussures souhaitent de très joyeuses fêtes à la population ainsi qu'à sa clientèle. Merci de votre support pour l'année qui se termine. LCR Chaussures et Vêtements, au 1463 boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-9595 ou variétélcr.ca. L'équipe de la SADC Maria Chapdelaine désire vous remercier pour la confiance que vous leur avez accordée durant la dernière année et elle vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la réussite, le succès dans vos projets ainsi que l'accomplissement de vos rêves. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler de baseball. Ben, hier soir, sur le coup de 23h, on apprenait une nouvelle vraiment intéressante. Pour les partisans des Blue Jays, c'est probablement la plus grosse signature depuis l'arrivée de la nouvelle administration. On en parle avec Jacques Doucet. Salut Jacques! Salut Danny! Hey Jacques, ça a été toute une acquisition. Yan Wan-Woo, c'est un lanceur coréen. C'est un lanceur qui a remporté 13 victoires l'année dernière, certainement qui vient solidifier. Tu sais, on se posait la question s'il y aurait un match d'ouverture, qui serait ton lanceur? Ben là, on vient de le savoir. Oui, évidemment, j'ai hâte qu'on le confirme, là. Oui. Parce que là, c'est toujours une rumeur qui est très, très persistante. Oui. Mais encore, je suis allé faire un petit tour sur le site des Blue Jays, puis on ne l'a pas confirmé encore, mais ça semble très sérieux. 4 ans pour 80 millions, évidemment. C'est un gars qui a fait ses preuves, surtout avec les Dodgers. Au cours des deux dernières saisons, il a été un des lanceurs dominants dans la Ligue nationale. Là, évidemment, il change de ligue. Il va avoir une certaine adaptation, mais on dit toujours que les lanceurs qui affrontent les frappeurs la première fois ont toujours le dessus. Ouais. Alors, avec l'arrivée de Guillou, qui, moi, je le mettais vraiment, là, peut-être au 4e ou 5e rang chez des lanceurs autonomes disponibles. Tu sais, après Cole, Strasburg, Baumgartner, Ryu était ouais, immédiatement à la suite. Et puis là, avec son acquisition, Tanner Roark, ouais, Chase Anderson, ben tu sais, ça. Et puis, t'as la possibilité que le jeune Kay pourrait être un deuxième gaucher dans la rotation des lanceurs des Blue Jays, des lanceurs partants. Le retour en forme possible de Shoemaker, ouais, ben là, on commence à avoir un personnel de lanceurs très respectable chez les Blue Jays, chose qu'on n'avait pas l'an dernier et qu'on n'osait même pas espérer pour la saison 2020 et qui, là, va se concrétiser. C'est un lanceur de balle à effet, je pensais, Ryu. Hein? Oui, mais écoute, c'est un lanceur gaucher, puis ouais, les lanceurs gauchers ont toujours été... Ont toujours la réputation. Oui, t'as eu des grandes exceptions, là, tu sais, qui avaient des balles rapides au-delà de 100 000 à l'heure, là. Mais souvent, les gauchers C'est des lanceurs qui ont un style qui est très décevant pour les frappeurs, qui ont des balles glissantes qui sont très efficaces. Et dans le cas de Guillou, ben écoute, il a eu la meilleure moyenne de points mérités l'an dernier. Il se termine deuxième derrière DeGrom dans la course au Cy Young en 2019. Alors, tu sais, c'est toute une prise pour les Blue Jays et leurs partisans. On dit que les Jays, avec toute la filière asiatique, ça l'a aidé, hein? Ben, c'est sûrement, ouais. Parce qu'ils ont également acquis un autre lanceur d'origine asiatique. Alors ça l'a peut-être influencé lorsque est venu le temps de Ryu d'accepter l'offre des Blue Jays, parce qu'il y en a plusieurs qui croyaient que c'était utopique. Oui. Dans le cas de Travis Shaw également, c'est un frappeur gaucher qui l'année passée a été blessé. C'est un frappeur qui peut frapper 30 circuits, là. Oui, mais ça, disons, on va se réserver parce qu'on ne sait pas s'il est complètement rétabli. Des blessures qui l'ont ralenti énormément l'an dernier. Mais Travis Shaw se veut, en ce qui me concerne, moi, un bon complément au jeune Telles, au premier but. Est-ce qu'on pourrait utiliser l'un ou l'autre à un certain moment comme frappeur suppléant? Et on sait que dans le cas de Shaw, il y a également l'habilité de jouer au troisième but. Alors, tant que le jeune Guerrero a besoin d'un repos ou qu'on décidera de lui donner 48 heures pour reprendre son souffle, eh bien, il peut très bien aller au troisième but avec il y a un bon gain. Moi, la seule chose qui m'inquiète encore du côté des Blue Jays cette saison, je dis pas qu'ils vont détrôner les Yankees, là, mais ils vont, disons, mélanger les cartes dans la division Ouest, si jamais, en ce qui me concerne, moi, ils vont chercher un excellent voltigeur de centre défensif qui peut frapper 240, 250 avec un peu de puissance, mais pas... Parce que Hernandez, moi, en ce qui me concerne, c'est un voltigeur de gauche ou encore un quatrième voltigeur qui peut également agir comme frappeur de choix. Alors, il serait intéressant de voir d'ici... le début du camp d'entraînement, si les Blue Jays vont faire un pas dans ce sens. OK. Dis-moi, David Price, t'as vu passer ça, les rumeurs? C'est sûr que là, avec l'acquisition de Ryu, ça serait très surprenant, hein? Ah oui, très, très, très surprenant. Ouais. Dans le cas de Price, il a déjà été avec les Blue Jays. Malheureusement, il a été là juste un bout de saison. Et puis après, il s'est retrouvé... il a changé d'adresse, comme on dit. Mais dans le cas de Price... les deux dernières saisons, il a été blessé. Et on peut dire la même chose de Ryu, parce que dans les deux dernières saisons, il y a eu quoi, une quarantaine de départs au maximum. Oui, effectivement. Alors, ça est un autre. Ça. Oui, il a 32 ans, il est peut-être un peu fragile, mais si on l'utilise à bon escient, parce qu'il ne faut pas oublier, en plus de Ryu, de Rourke, de Anderson, le jeune Kay qui pourrait compléter avec un deuxième gaucher dans la formation. Le vétéran Shoemaker qui peut très bien remplir un rôle important s'il est rétabli. Mais t'as des jeunes là comme Wagespack, Thornton, Zoik. Et tu sais, il y en a d'autres, Pearson, puis Murphy là, qui frappent à la porte également. Alors, disons que l'avenir est beaucoup plus rose aujourd'hui du côté des Blue Jays qu'il ne l'était il y a 48 heures. Effectivement, puis ça va permettre à Nate Pearson de commencer l'année à Buffalo, puis de... Exactement, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Bousculons rien. Et puis dans le cas de Ryu, on l'a signé pour 4 ans. Il y a une clause pas complètement de non-échange, mais disons qu'il y a peut-être soumis une liste, là, des équipes auxquelles il ne voudrait pas être échangé. Mais peut-être qu'après 2 ans ou 3 ans, si les jeunes ont démontré qu'ils sont prêts à assurer la relève, qu'on pourrait l'échanger et récupérer une partie de cet investissement. Travis Shaw, c'est le fils à Jeff Shaw, je pense. Hein? Exactement, exactement. Ouais. Écoute, il avait connu de très bonnes saisons avec les même sa première saison avec les Brewers. C'est un bonhomme qui avait un bon coup de bâton. Et il sera intéressant de voir de quelle façon on va pouvoir l'utiliser du côté des Blue Jays. Disons que le camp d'entraînement va nous donner un aperçu de ce qu'on pourrait retrouver en saison régulière. Jacques, joyeux Noël. Je pense que c'est un beau cadeau que qu'on a fait aux partisans des Blue Jays de Toronto. Moi, je vais te dire en affaire, j'étais très déçu de l'attitude de la haute direction, mais c'est certainement le plus gros coup qu'ils ont fait depuis l'arrivée de Mark Shapiro puis de Ross Haskins. Ben, je pense qu'il était temps qu'il pose un geste urgent, parce que, disons, ça commençait à gronder pas mal dans le giron des Blue Jays, surtout au niveau journalistique à Toronto. Ouais. On disait, ben, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils ont toujours les deux doigts dans le nez, les autres, là. Ils disent qu'ils ont de l'argent, plein les coffres. Est-ce que ils vont juste s'asseoir là-dessus puis attendre qu'un miracle se produise? Non. Ben, on a décidé de bouger, puis bravo. Ben, merci beaucoup, puis joyeux Noël, puis on s'en reparle en 2020. La rétrospective. Parfait, Danny. À la prochaine. Jacques Doucet, collaborateur de BD.